panthère. C'est Oli. O-L-I. Oli. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Eva Bester et je vais vous raconter l'histoire de Messidor et des bananes de compagnie. Messidor est un chien triangle, tout ce qu'il y a de plus banal. Comme tous les chiens de forme triangulaire, il ne sort jamais sans sa banane de compagnie, placée sur la pointe de sa tête, entre ses deux oreilles. Les bananes de compagnie, en plus de tenir compagnie, guident les chiens triangles dans chaque décision. Elles jugent, conseillent et dictent ce qu'il convient de faire en toutes circonstances. Si par exemple un chien triangle hésite sur une direction à prendre, un propos à tenir ou une entreprise à mener, il demande l'avis de sa banane de compagnie et agit en conséquence. Or, pendant que je vous parle, Messidor, notre héros, se trouve dépourvu de bananes. Comment est-ce possible, vous demandez-vous? La réponse est simple. Les bananes de compagnie sont des créatures très susceptibles qui ne supportent pas que l'on mette leurs paroles en doute. Cependant, Messidor, depuis un âge précoce, a pris l'habitude de peser le pour et le contre de chaque situation, et cela jusqu'à entrevoir une chose inacceptable pour une banane, l'idée qu'il n'y a pas une, mais plusieurs décisions possibles pour chaque situation, et que certaines ne sont pas plus mauvaises que d'autres. Envisager qu'il y ait d'autres issues que celles suggérées par les bananes revient à mettre en doute leur intelligence, leur autorité et leur sagesse. Et ça, pour une banane, c'est intolérable. Celle qui passait jusqu'à présent ses journées sur la tête de Messidor, fâchée de devoir justifier ses opinions, a tout bonnement décidé de quitter son propriétaire, l'installant de ce fait dans une position aussi inédite qu'embarrassante. La pointe, au-dessus de la tête de Messidor, paraît maintenant terriblement nue. Impossible de sortir comme ça, songe-t-il en rougissant. Que vont dire ses camarades? Et surtout, comment faire pour décider seul de quoi que ce soit? Il est vrai que certaines décisions dictées par les bananes de compagnie à travers l'histoire ont mené à des résultats désastreux. Mais en dehors de Messidor, aucun chien triangle ne s'est jamais permis de remettre en question le bien fondé d'un de leurs avis. Les bananes savent toujours ce qu'il convient de faire, il faut les écouter et exécuter leurs ordres sans discuter. J'emploie le mot « ordre » car avec leurs sourcils sévères et leur ton autoritaire, leurs recommandations ressemblent souvent plus à des ordres qu'à des conseils. Mais revenons à notre pauvre Messidor, qui sans sa banane ne fait pas le malin. Malgré la honte d'être décoiffé, il voudrait profiter du beau temps. S'étant finalement décidé à sortir, il tente de se faire discret. Mais sa démarche et son air étrange attirent vite l'attention. On lui jette des regards soupçonneux, interloqués, voire totalement épouvantés. Messidor cède à la panique et rentre chez lui en glissant, car c'est ainsi que courent les chiens triangles. Une fois à l'abri de tout jugement, il laisse éclater son chagrin. Comme il regrette la compagnie de son ancienne banane. Enfin, il n'en est pas tout à fait sûr. Bien qu'il ait peur du regard des autres, il se sent bizarrement plus léger depuis qu'il est seul. Lui vient alors une idée. À la hâte, il se saisit d'un bout de papier et de crayon de couleur et dessine une banane qu'il découpe et se colle sur la tête comme une perruque. Ça n'a pas trop l'air d'une vraie banane de compagnie, mais s'il ne laisse personne l'approcher, ça peut faire illusion. Réjoui par cette idée, Messidor se risque de nouveau à prendre l'air. Mais au fur et à mesure de sa promenade, une idée effrayante lui effleure l'esprit. Ne vient-il pas, en retournant chez lui, en fabriquant une fausse banane et en sortant se balader, de prendre des décisions tout seul? Non, il n'aurait pas pu faire cela. Personne ne pourrait faire cela, pense-t-il en frémissant de tout son triangle. Mais l'épouvante le fait trembler si fort qu'il fait tomber sa fausse banane sur le sol. Les regards se braquent sur lui. Les témoins se mettent à murmurer. De nouveau, Messidor se précipite vers son domicile pour se cacher. Trop tard. On l'a vu et l'incident fait rapidement grand bruit dans la société des chiens triangles. Les journaux s'en emparent. Messidor devient bientôt l'objet de toutes les conversations. Il suscite la critique, la peur, la curiosité et même la jalousie. Car bien que personne ne l'ait vu prendre une décision de son propre chef, on devine sa liberté, un concept totalement inédit dans cet étrange royaume. Suite au conseil avisé de leur banane, des chiens triangles journalistes s'installent devant chez Messidor pour le filmer en flagrant délit d'absence de banane. Pendant 48 heures, notre ami reste enfermé chez lui. mais les gargouillis de son ventre le ramènent à l'évidence. Il a faim et doit sortir faire des provisions. À peine a-t-il fermé sa porte à triple tour qu'un journaliste lui saute dessus. « Comment savez-vous ce qu'il faut faire sans banane de compagnie ?» lui postillonne-t-il à la figure, tandis que les autres journalistes allument leur caméra. Mais Sidor est confus. On a beau lui avoir répété toute sa vie qu'une décision prise seule ne pouvait être que mauvaise, il sent bien qu'il va falloir décider de quelque chose et sans l'aide de personne. Néanmoins, l'idée qui l'effrayait tout à l'heure est devenue réconfortante. Il en est maintenant convaincu. Il a déjà pris des décisions tout seul, et sans qu'aucune catastrophe ne survienne. Il peut donc prendre le risque de se faire confiance. Messidor se tourne vers l'indiscret et lui dit « Monsieur, vous ne pouvez pas me forcer à quoi que ce soit. » Le journaliste, stupéfait devant cet individu à l'air si décidé et pourtant dépourvu de banane de compagnie, rétorque confusément « Tout ce que vous dites est retransmis en direct. Cela m'indiffère. » poursuit Messidor, qui ressent étrangement qu'il agit comme il le faut. « Regardez bien, je prends à ce moment même la décision de m'en aller. » Messidor abandonne alors le malotru et foule le pavé avec satisfaction. Ce geste d'indépendance le fait jubiler. Il ne s'est jamais senti aussi libre. Tandis qu'il s'éloigne d'un glissement rapide, son trajet est interrompu par un groupe de jeunes triangles canins qui s'arrêtent devant lui. Messidor s'immobilise. Il appréhende les moqueries. Les jeunes le regardent pourtant avec ce qui ressemble à de la bienveillance. Après un silence, le plus proche de Messidor incline timidement la tête et retire sa banane de compagnie. « Merci », murmure-t-il. Messidor n'en croit pas ses yeux. « Merci », reprend en chœur le reste du groupe qui se décoiffe à son tour. De nouveaux passants s'arrêtent et reconnaissent notre héros. Ils se mêlent au premier groupe. Les merci se diffusent rapidement dans la foule et Messidor se retrouve bientôt entouré d'une assemblée de chiens triangles décoiffés manifestant sa gratitude. Merci. Messidor lui-même rayonne de joie et de gratitude. Il sait que ce moment est un moment historique. Et en effet, depuis cette prise de décision solitaire devant témoin, les chiens triangles apprennent peu à peu à prendre des décisions par eux-mêmes. La majorité d'entre eux s'est débarrassée de sa banane. D'autres, plus craintifs, l'ont gardée pour être rassurés et quelques-uns consultent parfois les bananes de ceux qui les ont gardées pour avoir des avis extérieurs. Être responsable de ses choix demande du courage. Il peut arriver que l'on prenne une décision que l'on regrette ensuite. Mais se tromper n'est pas si grave. D'ailleurs, peut-on réellement savoir si une décision est bonne ou mauvaise ? Messidor et les autres chiens triangles se posent parfois la question, mais ils ont la joie d'être libres et de se suffire à eux-mêmes. Et voilà, l'histoire est finie, et maintenant, au lit. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.